Kanyangi. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les grands titres de cette édition, une édition de la soirée de ce 16 août. Indignation de la coalition des syndicats des enseignants Kosesona contre la déclaration du ministre burundais des Finances sur le retard relatif au déblocage des disparités salariales. Vous l'entendrez au début de cette édition. Formation imminente des enseignants et du personnel des troisièmes années de l'école fondamentale depuis Ruyigi. Ce mardi, le ministre de l'Éducation met en garde tout directeur qui aurait mis sur la liste toute autre personne. Au Kenya, le candidat au présidentiel Raila Odinga rejette les résultats des élections. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Nelly Kwihangana. Rebonsoir et bienvenue. Bonsoir à la coalition des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale. Kosesona s'indigne contre la déclaration du ministre des Finances retardant le décaissement des frais destinés au déblocage des disparités salariales dues à la nécessité des experts étrangers. Victor Ndabaniwe, président de cette coalition, lors d'une conférence de presse animée ce mardi, déplore cette déclaration et trouve qu'elle a été faite sans concertation de toutes les parties prenantes, malgré l'existence d'une commission ad hoc depuis 2016. Il demande à cet effet l'organisation dans l'urgence d'une rencontre de toutes ces parties pour éviter tout malentendu. Suivez. Les travailleurs qui espéraient un léger mieux au niveau de leur salaire avec ce mois de juillet sont abasourdis par une annonce d'un paramétrage qui sera fait par une expertise étrangère, sans même fixer les délais que cela pourrait prendre, le pire, sans que le comité technique de pilotage de la politique salariale en ait été informé. Des interrogations tout azimut sont posées pour savoir le pourquoi d'un second retrait de listing à la dernière seconde de la paie. L'intervention d'une si haute autorité après une telle situation, loin de tranquilliser les fonctionnaires, ne fait qu'exacerber la colère de ces derniers. La Kosesona et la fonction publique ont toujours cheminé ensemble. Nous sommes donc surpris d'entendre la communication du ministre des Finances qui, à notre interprétation, constitue une provocation de la masse des fonctionnaires qui se sont abstenus depuis 2020. Face à cette situation, les syndicats des enseignants affiliés à la Kosesona informent l'opinion que le retard dans la mise en œuvre de la politique salariale équitable n'est pas justifié par l'absence des experts locaux en calcul et de rémunération, du fait que le comité technique de pilotage de la politique salariale de la Kosesona et membre n'a pas encore déclaré son incapacité. Dans le cadre du renforcement du partenariat déjà existant et dans le but de prévenir la perturbation de la paix sociale en milieu du travail, la Kosesona demande au gouvernement d'organiser le plus rapidement possible un cadre d'échange sur les mobiles qui auraient influencé le retrait unilatéral des listings de paie qui était en conformité avec les ordonnances conjointes précitées. Victor Ndabaniwe, président de la coalition des enseignants pour la solidarité nationale, Kosesona. Lancement solennel ce mardi dans la ville de Ruyigi par le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique de la formation sur le programme retouché de la troisième année. Le ministre François Havyarimana a fait savoir que cette formation s'inscrit dans le programme de réforme de l'enseignement initié par le gouvernement burundais. Il met en garde les directeurs qui auraient passé outre les injonctions reçues lors de la désignation des candidats à la formation, tout comme les enseignants qui ne s'acquittent pas convenablement de leurs obligations. Une information que nous devons à notre correspondant en province, Louis-Guy Jean-Claude Chimiliman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Poursuivons cette édition à 18h05 dans les studios de la radio Isanganilo. Les enfants en situation de rue se manifestent toujours dans différents coins de la ville de Bujumbura, surtout les heures avancées de la soirée, comme en témoignent les citadins rencontrés par notre reporter ce mardi. À ces citadins, un signal que ces enfants en situation de rue commettent des dégâts énormes comme le vol des biens et demandent à l'État de renforcer les mesures afin de les enlever de la rue. Le point avec Jean-Marie Mayong. bagenda n'inzembe ibintu nyene bituma umuntu ashobora kugira ubwoba aba mama bagendana do telefone ubugenda wanyege impuzu mu bipande cyanke mu mupira. Ce sont certains des habitants de la ville de Bujumbura qui se plaignent du comportement des enfants en situation de rue. Il est 10h30 du matin, nous sommes au boulevard d'Oliprona où on a vu des enfants en situation de rue. Au quartier asiatique, juste à côté du Markaz, nous y avons trouvé 3 enfants en circulation. Ces habitants disent que ces enfants dépouillent des biens des citoyens comme des téléphones et des sacs à main pour les dames. On a constaté une situation dangereuse. On a attaqué un individu qui est l'agent de l'IMICASH. On l'a enlevé ses documents, son téléphone et d'autres matériels qu'il utilise. Il y a des enfants qui étaient ici, dans cette place même. Ces enfants avaient des couteaux, des rasoirs. Donc si on les approche, ils se défendent. Même si on attaque quelqu'un, ils cherchent à lui rattraper. Et puis, on commence à les trouver avec des couteaux, avec ces lames de rasoir. On observe un grand nombre des enfants de la rue qui circulent surtout au centre-ville et dans les quartiers qui sont proches de la centre-ville. Et ces enfants font beaucoup de dégâts. Si on vole quelqu'un, il tente à récupérer le bien qu'on lui a volé. Ces enfants jettent des pierres. Si on trouve une dame ou une personne qui marche avec un téléphone dans la main ou un sac à main, il demande au gouvernement de tout faire pour que la décision d'enlever ces enfants en situation de rue dans les rues de la ville de Bujumbura soit respectée pour que les gens puissent circuler sans peur. Il demande à l'État vraiment d'enlever ces enfants dans la rue parce que et ça c'est une chose très agréable pour les gens qui circulent dans la ville parce qu'il y a déjà vraiment qui sont en malheur à cause de ces enfants qui circulent dans la rue. Nous demandons à l'État de bien mettre en application la décision d'enlever ces enfants de la rue et de les mettre dans un endroit commun pour qu'ils les enseignent des métiers qui vont les aider dans l'avenir. La population qui circule au centre-ville a de la peur de marcher avec leurs biens dans les mains. Selon ses habitants, ces enfants en situation de rue ne s'observaient pas en ville de Bujumbura pendant la journée, mais le soir, on les trouve dans différents quartiers proches de la ville de Bujumbura. Des citadins qui demandent que la réintégration effective des enfants en situation de rue et l'enregistrement des propriétés foncières intervient dans la diminution des conflits fonciers. Une affirmation des départements fonciers dans différentes communes de la province Ngozi. Émile Bakizoula Amvier, chef de ce département en commune Mumba, trouve que la population de cette commune répond positivement à cet enregistrement qui vient de durer 8 ans depuis son instauration en 2014. Il explique que près de 30 propriétaires saisissent ce département par semaine. Le point avec Omer Douayou. La diminution des conflits fonciers est l'un des avantages qui résulte de l'existence du département foncier en commune Mumba. Émile Bakizoula Amvier, responsable de ce département, compare le nombre des conflits fonciers actuels avec ceux d'avant l'instauration de ce département. Les conflits fonciers ont diminué face à une propriété déjà enregistrée. Des mésententes sont minimes parce que pour trouver le certificat foncier, le demandeur et les autorités habilitées font toutes les démarches nécessaires pour persuader le voisinage sur l'authenticité de la propriété concernée. Certains facteurs qui poussent la population de Mumba à faire enregistrer leur propriété sont notamment le fait que le certificat foncier leur sert d'hypothèque pour accéder à des crédits au sein des institutions financières. Normalement, je suis orpheline. Je me suis retrouvée dans un conflit foncier. Tous les moments que j'ai passés dans divers tribunaux sans un certificat foncier, je n'ai pas réussi. Mais pour le moment, puisque je possède ce certificat foncier, je n'ai aucune difficulté. L'intérêt de faire enregistrer ma propriété et de la protéger. Lors des sensibilisations, nous avons été informés que dépasse sa valeur, nous pouvons nous servir des certificats fonciers pour demander des crédits dans les microfinances. Émile Bakizoula Amvier, responsable du département foncier dans cette commune, l'affirme. Il explique que Plus de 30 personnes font enregistrer leurs propriétés par semaine. Les avantages du certificat foncier sont multiples. Premièrement, c'est la reconnaissance de la propriété au niveau de la commune. Et deuxièmement, le propriétaire peut se servir de ce certificat foncier pour accéder au crédit dans des microfinances. L'affluence à cet enregistrement est également bonne dans la commune d'Ongozi. Cependant, Athanase Nhunguka, conseiller communal chargé du développement et du département foncier, explique que les citadins sont plus nombreux à l'effectuer en comparant avec les habitants des collines. Depuis le début de ce projet, en 2014, 1500 propriétés foncières sont déjà enregistrées dans la commune d'Ongozi. Restons au nord du Burundi, mais cette fois-ci en province Kayanza, où les habitants de la zone commune Kabarore de cette province n'ont pas d'électricité dans cette localité. Cela fait près d'une année. Ils disent que les activités génératrices de revenus nécessitant du courant électrique sont paralysées et ils demandent que cette question trouve solution. Sagouye Berkimas, administrateur communal de Kabarore, parle d'un transformateur électrique en panne, mais tranquillise qu'un autre appareil pour le remplacer est déjà en commande. Les détails avec Patrick Nsengiyumva. Ce transformateur électrique en panne depuis octobre de l'année passée se trouve à la colline Mugera près du bureau zonal Kabarore. Les habitants de la zone Kabarore avec lesquels nous sommes entretenus à ce sujet nous ont fait savoir que cette situation freine leur développement du fait que selon eux, certaines activités génératrices de revenus sont paralysées. Parmi elles, ces habitants de Kabarore parlent de la coiffure, de beaucoup de litres dorés déversés chaque jour parce que périmés. À part ces différentes activités paralysées par le manque du courant électrique à Kabarore, les habitants de la zone Kabarore parlent de l'augmentation du vol de nuit dans les ménages. Ils demandent à l'administration et à la régie des eaux de faire le possible pour trouver une solution à ce problème. Au niveau de l'administration communale Kabarore, l'on dit être au courant de cette situation. Sagoui Berkimas, administrateur communal, tranquillise la population qu'il représente qu'en collaboration avec les autorités de la régie des eaux en province Kayanza, on a déjà fait une commande d'un nouveau transformateur électrique qui remplacera celui en panne. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de ce mardi. La consommation d'alcool pendant la prise des médicaments a des effets néfastes sur la santé de l'homme. Le médecin généraliste Philbert Nyonguru indique qu'il y a interaction entre les médicaments et l'alcool. Il fait également savoir qu'il existe un certain groupe de gens pour lesquels l'alcool est particulièrement interdit. C'est notamment les chauffeurs au volant. La chronique santé de ce mardi est signée Ornella Mucho et c'est une rediffusion. L'alcool a un effet néfaste sur le cerveau, raison pour laquelle il est déconseillé de consommer de l'alcool chez les enfants et les adolescents, d'où leur cerveau est immature. Le médecin généraliste Philbert Nyonguru indique que c'est également déconseillé chez les femmes enceintes pour éviter d'entraver le développement du fœtus. Il explique également pourquoi il est déconseillé de consommer de l'alcool chez les personnes qui sont sous traitement. Lorsqu'il y a une interaction entre l'alcool et les médicaments, ça évite l'effet positif des médicaments. Ce qui fait que l'objectif que nous avons de guérir le patient n'est pas atteint. Les complications sont multiples chez la personne qui fait un accident en état d'ivresse. D'abord, le patient risque de tomber dans un coma éthylique. Il peut l'enfoncer et même perdre sa vie. Lorsque une victime est arrivée à l'hôpital, il peut arriver que pour trouver la voie veineuse, ça peut être difficile, surtout s'il est déjà en coma. L'autre difficulté peut être liée à l'interaction médicamenteuse, liée à la prise de l'alcool avec les médicaments qu'il est en train de prendre son patient. Il y a les premiers secours chez cette personne. Il faut faire un massage cardiaque. Il faut faire aussi un sifflement, ce que je peux dire, sifflement respiratoire ou un massage cardio-respiratoire. On essaie d'aspirer de l'oxygène, on insiffle dans la bouche de la victime pour qu'il puisse avoir de l'oxygène. En même état, on fait le massage cardiaque. Il y a aussi une technique de transport de la victime. Le transport se fait tête un peu en bas par rapport aux membres inférieurs. On fait ça pour éviter que la victime puisse développer une anémie qui peut entraîner une souffrance cérébrale. Il conseille les gens de consommer l'alcool avec modération. Docteur Philbert Nyonguru déconseille les gens de consommer de l'alcool avec un estomac vide. Il faut plutôt manger et prendre de l'eau. Actualité régionale, avant de clore cette édition au Kenya, le candidat de la coalition Azimio, la Umoja, Raila Odinga, affirme que les résultats donnant son adversaire William Ruto vainqueur ne sont pas valides. Le candidat à la présidentielle, Raila Odinga, a qualifié de parodie les résultats annoncés hier lundi 15 mai par le président de la commission électorale kenyane. Et malgré le rejet des résultats, et par 4 des 7 membres de la commission électorale kenyane, le président de cette commission électorale, Wafula Chebukati, plutôt affirme que William Ruto s'est imposé avec 50,49% des voix. Et la majorité des membres de la dite commission électorale, 4 membres sur 7, dont la vice-présidente Juliana Chelera, qui a donné sa propre conférence de presse au nom des 4, affirme de son côté ne pas pouvoir assumer la responsabilité des résultats annoncés en raison, dit-elle, du caractère opaque du processus, tout en appelant les Kenyans au calme. Voilà, point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Nelly Kuihangana qui a assuré la mise en œuvre. De très bonnes soirées chez vous. Au revoir.